grand 4 étoiles. Le pied, y'avait pas à se prendre la tête. Désormais que justice soit faite, y'avait pas à se prendre la tête. Désormais que justice soit faite. Dommage quand je regarde dans ce miroir. Ce que j'y vois, c'est mon naufrage.